Bonsoir les amateurs de bonne musique, vous êtes à l'antenne de CKRL 89.1 Québec et c'est l'émission Terrain Incognita en compagnie de Bruno à la mise en onde et de France et Jean-François à l'animation. Bonsoir France. Bonsoir Bruno. Bonsoir à Bruno. Eh bien, tout de suite, une petite adresse, www.terrainincognita.québec. Là-dessus, vous trouverez la setlist de l'émission. C'est assez important parce que on donne pas toujours tous les titres et, on s'efforce de les donner, mais des fois, les prononciations peuvent être différentes un peu. Et, on a beaucoup de musique. Les blocs sont assez serrés, donc on va limiter un petit peu les micros et surtout qu'on a beaucoup de belles nouveautés. On a beaucoup de belles choses à jaser aussi parce que il y a deux semaines, c'était le festival Terrain Incognita et énormément de belles musiques. Et comme le disait Vincent tantôt, il y a eu Peter Hamill, très belle expérience. On va jaser un petit peu de ça aussi. Et pour l'instant, il y a Big Big Train. On a eu le temps d'écouter ça un petit peu. Michel est venu porter ça hier, puis il était assez excité. Big Big Train, c'est toujours bon. Hein? Oui, c'est toujours bon. Et surtout qu'il y a, Richard Sobloom qui joue dans Big Big Train. Oui, je te laisse le soin de prononcer le nom. Oui, parce que ça peut jamais faire de tort. Disons que lui, tout ce qu'il touche, ça se change en or. Et il y a aussi un nouveau airbag que Michel a apporté par la même occasion. Et un groupe italien, Saint-Dône, dont on parle beaucoup. C'est très bon, ça. Oui, mm-hmm. c'est un petit peu weird, là, mais il y a eu, beaucoup de bons disques italiens dernièrement. On va en écouter pas mal ce soir. Donc, pour ce premier bloc, ça va être ça. Donc, on débute avec Big Big Train du nouvel album qui s'appelle Folklore. On va entendre la pièce London Plane et on poursuivra avec Airbag Disconnect, la pièce Killer. Et on terminera avec un très bon groupe italien, qui est en fait un vieux groupe. Moi, j'étais surpris que c'est encore en activité, ce groupe-là, mais j'ai regardé ce Prog Archive et je vois que les dernières années, ils ont fait beaucoup de bons disques, qui ont été bien cotés. Là, pour l'instant, ce qu'on va entendre, ça vient de Eros and Thanatos. Donc, on débute avec Big Big Train. Where the road runs down to the river bank, and the mudlarks search on the shore. Where the watermen set sail for the towns upstream, upon a golden course to Runnymede. Where the water's edge meets the squares and the streets, the river knows the mood of kings and crowds and priests. Take tea in the garden, drunk for a penny or two. Stars will lead you home. Singing on the English way, racing on the high tides, here by the riverside, reaching for downstream. The Alice is clean gone. In the dark she slipped away, racing on the English way.

Thank you. E ora siedi Et c'était donc Saint-Don, le groupe italien, avec la pièce Duro comme la morte. Et juste avant, ben, c'était un duo anglais assez floydé. Hein. Airbag, là, je pense qu'il a appris à jouer de la guitare en écoutant David Gilmour. Un petit peu. Et juste avant, un autre groupe anglais, Big Big Train, mais eux autres, c'était plutôt Genesis. Eh bien, on parlait tantôt du Festival Terra Incognita qui a été vraiment extraordinaire cette année. Tout était parfait. Les retours étaient extraordinaires. RPVL avec son show hommage à Pink Floyd, The Man Under Journey, ça dépassait même les attentes. Et ses pièces le samedi soir. Eh bien, nous autres, c'est Abel Gance. On a beaucoup aimé Abel Gance, qui était très content d'être là, comme tout le monde d'ailleurs. Mm-hmm. Moi, c'est Sylvain qui m'a impressionné. Oui, bien, Sylvain, on s'attendait à beaucoup, mais on a eu encore plus. C'est fun dans ce temps-là, parce que c'est un bon band qu'on aimait beaucoup. Et non seulement on n'a pas été déçus, mais c'était même encore meilleur que ce qu'on pensait. Très bon chanteur. Oui, disons que c'est pas mal le meilleur chanteur qu'il y avait là. C'est un très grand chanteur, avec beaucoup de charisme, puis qui se prend pas pour un autre non plus. Non, là, c'est, du tout. C'est du monde simple. Et puis Michel me disait qu'il était extrêmement... Ben, ça paraissait, mais disons que si on veut parler de voix officielle, là, il serait partant pour revenir assez rapidement. Évidemment, ça peut pas être l'année prochaine, mais moi aussi, je serais bien partant pour aller voir une autre fois. N'importe quand. Et ben il y avait aussi Unreal City qui ont fait une très belle prestation aussi, un petit peu renouvelée avec l'ajout d'un violon. Oui. Inner Odyssey, ils ont très bien paru aussi. Et Kinetic Element, d'ailleurs, on va entendre une pièce, et bon, on parlait de RPVL, on va entendre une pièce de RPVL, Play Pink Floyd, mais en fin d'émission. Et pour ce deuxième bloc, ben, on va entendre Paul Bremner avec son nouvel album qui s'appelle The Witness. Bon, c'est le guitariste de Is, exactement. Et bien, cet album-là, en fait, ça sonne comme du Is parce qu'ils sont tous là. Et tous les musiciens de Is ont participé, même les choristes qui sont les conjointes des frères Galgano. Et ben c'est vraiment très bon. C'est un très bon disque. Et une autre découverte qui est produite par Fabio Zuffanti, c'est le groupe italien des jeunes italiens, Il Paradiso degli Orchi. Et ils ont vraiment le feu à quelque part, ces jeunes-là. Michel me disait que quand Fabio était venu il y a 2 ans, il parlait de ce groupe-là. Et il a fallu qu'il attende après Fabio parce qu'il est extrêmement occupé. Puis, ça a donné ça. Ils ont pris le temps d'attendre. Je pense que... Très bon résultat. L'attente en valait la peine. Et je sais que Michel en a mis, il y a quelques semaines, un groupe avec un nom bizarre, Fufloun. Fufloun. Oui. Fufluns. Ça, il y a l'ancien bassiste de The Watch là-dedans, puis il y a même Giorgio Gabriel. Et c'est pas un disque qui est à l'image là, du nom. C'est pas bizarre, c'est du bon prog italien. Ah, c'est Giuliano Mariotti. Exactement. Mm. Et en fin de bloc, on va entendre Vector K, très bon groupe québécois, qui était d'ailleurs à Québec hier pour lancer son album. Et on va entendre une pièce d'un disque qui vient de sortir qui s'appelle Incident au café. Ça, c'est le titre de l'album. C'est l'incident. C'est Incident au café, la deuxième partie qu'on va entendre. On y va tout de suite en musique avec Paul Bremner. Il y a un petit bruit technique, mais ça sera pas le bien long. On va remédier à ça. Yeah.

sbagliato, direi anche un po' squarcito, ma la senti di beccare tutto il giorno la mia testa, un po' vuota, un po' copesta, da beccare che ci resta. Sono stanco di vegliare, sempre in piedi sul mio prato, un po' giallo, un poco blu, io non ce la faccio più. Guarda quanto è bello il grano, pronto per la mietitura. A me resta nella giacca solo paglia e paura. E va via corpaccio nero con i tuoi bei passerotti. La smettete di saltare sui miei due stivali rotti. La smettete di saltare tutto il dì sul mio cappello. Perché almeno questo è bello, perché almeno questo è bello, perché almeno questo è bello, perché almeno questo è bello, perché almeno questo è bello. Da questo prato grande per sgranchirmi un po' le gambe, le mie gambe m'ha ridotte, tutte storte, tutte rotte, ormai ho perso la ragione, chiedo solo un bastone. E va via brutta cornacchia, un po' vecchia, un po' coracchia, tutto il giorno a canticchiare quel motivetto infernale. Tanto prima o poi mi slego e con le mani slegate mi vendicherò con tutti, a suon di gran bastonate, a suon di gran bastonate, a suon di gran bastonate, a suon di gran bastonate. j'ai retourné l'arme contre ma tempe. J'ai compté jusqu'à 9. Jamais 10. Puis j'ai couru jusqu'ici et j'attends pendant que brûle mon atmosphère. Je n'étais pourtant personne hier. J'ai peur dans ma maison. C'est drôle quand on d'aille s'éveille nos démons. wanna believe in the winner. Oh Lord, yeah, I know. Then mother, you ought to been there. Oh mother, you yeah. ought to been there. Mother, you ought to been there. Wanna believe in the winner. Vous écoutez CKRL 89.1. Québec. Du 9 au 12 juin, Desjardins présente en collaboration avec Hydro-Québec la 33e édition du Festival de la chanson de Tadoussac. Ne me dis pas qu'il est déjà trop tard. Safia Nolin, Dumas, Laurence Nerbonne, Francis Faubert, Zébulon, Kit Kuna, Rosie Vallant et plein d'autres. Le Festival de la chanson de Tadoussac en pleine nature. Informations et billetterie au 1-866-861-4108 et sur chansontadoussac.com. Une invitation de la bière Belle Gueule. Je reviendrai parmi vous. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap, voyez... Amour et amitié. Les aventuriers voyageurs présentent Thaïlande. La Conjuration 2. Les deux amis. Insaisissable 2. Paddle for the North. Programme Kino Québec. Shakespeare présente Anthony and Cleopatra. The Conjuring 2. Wedding Doll. Et à ne pas manquer au Musée de la Civilisation. Shakespeare présente Anthony and Cleopatra. Rendez-vous au clap.ca pour obtenir le synopsis, les bandes annonces et l'horaire complet des films. Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Cette soirée vous est présentée par... La Barberie. J'ai tant rêvé de toi. J'ai tant rêvé de toi. J'ai tant rêvé de toi. Sur le cadran solaire de ta vie. Donc c'était Vector K, qui est un groupe de Montréal avec Incident au café, deuxième partie, donc l'incident. Et c'était précédé de Fufluns. Et bon, on avait inversé à cause des petits problèmes techniques de lecteur CD qui n'a pas voulu partir. Donc on avait débuté le bloc avec Il Paradiso d'Egli Occhi. Et tout de suite après, c'était Paul Bremner avec un son qui était très « is ». Et on poursuit en italien. On en avait deux sur le bloc précédent. C'est un autre jeune groupe qui s'appelle Evelyn Doss. L'album s'appelle The Painkeeper. Et la pièce qu'on entend s'appelle Joseph. La particularité, ben, si on peut appeler ça comme ça, c'est qu'eux autres chantent en anglais. Moi, j'aime mieux quand ça chante dans leur langue natale, comme Vector K. Ils ont eu la bonne idée de chanter en français. Moi, je trouve ça intéressant. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Oui, conserver leur langue maternelle, c'est précieux. Ben oui, puis c'est le fun d'entendre ça, Vector K, avec des histoires bien écrites en français. Donc, on va sûrement en écouter d'autres pièces dans le courant de l'année. Et après Evelyn Doss, on va entendre Kinetic Element. Ben, on a profité de leur présence parce que... Kinetic Element ont été là pendant toute la fin de semaine. Ils se sont promenés, ils ont jasé avec du monde, avec tout le monde. Et bien, moi, j'en ai profité pour acheter leur premier disque qui s'appelle Powered by Light, qui est peut-être pas aussi abouti là, que Travelogue. En fait, la majeure partie du concert, je pense, a été avec Travelogue. Leur dernier album. Et un autre aussi qu'on a vu souvent, c'est Gadi Gaplan. Ben, en fait, qu'on a vu pendant toute la fin de semaine. C'est pas qu'on l'a vu souvent au festival. En fait, c'est sa deuxième. Là. Mais il y avait un nouveau disque qui s'appelle Morning Sun qu'on a écouté un petit peu et c'est toujours très intéressant. Donc, on va en entendre un extrait qui s'appelle The Other Side. Thank you. waistline. Some days I feel suffocating, it haunts me at night. A thousand tongues are satisfied, my lies grown thicker than my skin. My disguise, who else could I have been? On my face, a trace of time is set up. When I wait, I can remember, can recall the way she used to talk. I hide my burden from myself. The night she comes, twilight melts, it was my eyes. My lines grown thicker than my skin. My disguise, who else could I be? Unless the one come off, can't admit I'm lost. For too many I drag along, I need dreams to carry on. There's peace of mind and peace of heart. A mind renewed won't fall apart. Instead, it enters into rest and finds one passing all the tests. The sights, the sounds, the vision fair, the thoughts of pure things everywhere. These things to think on, things to do, can make a senseless world sing for you. A day will come when everything is all. footsteps leads those with sense to run, calling to the morning sun. Come down to the morning sun. Scolded by the nun, calling to the morning sun. Come down to the morning sun. C'était Sonu Sombra, du nouvel album qui s'appelle Beyond de Panopticon. Et on a entendu Alone, Together, Alone. Et juste avant, c'était Gadi Gaplan et Kinetic Element. Et on avait débuté avec Evelyn Dust. Ben ça fait quatre bonnes pièces. Hein? Oui. Et ben c'est déjà presque tout pour nous, même s'il reste encore beaucoup de temps, parce qu'on a une longue pièce qui est tirée de l'album qu'on a pu se procurer au Festival Terra Incognita. Et ça s'appelle RPVL, Play Pink Floyd. C'est un disque qui était difficile à trouver. Ben, en fait, il était épuisé, mais ils ont décidé d'en faire un nouveau pressage et ils sont arrivés avec ça. Ils en ont vendu quand même pas mal. Je pense que toi, tu étais bien placé pour... Oui, ils en ont vendu pas mal. Et en fait, à peu près toutes les tous les groupes ont vendu beaucoup. Oui, énormément. Et la pièce qu'on va mettre, c'est quelque chose d'assez rare. Ça s'appelle The Embryo. Et même Pink Floyd... ont même pas en disqué, en fait, c'est paru en version courte là, sur un album qui s'appelle Works, mais qui est paru en 83, un disque qui est passé un petit peu inaperçu. Et sur ce disque-là, on en retrouve une version de 17 minutes et qui avait été joué, ça fait 3 ans, je pense, qu'il était venu. Oui, ça fait 3 ans. Et à ce moment-là, lors d'un concert en supplémentaire, le lundi après-midi, il avait joué un tas de pièces, des pièces assez obscures comme Arnold Lane, et cette pièce-là, qui était inconnue de presque tout le monde. Et eux autres, ben, ils ont eu façon, eux autres, de jouer Pink Floyd. Et bon, ben, on va entendre The Embryo, et on vous revient après pour le mot de la fin. Here I go, I will see the sun shine.

eyes need a little more room. Whisper low, here I go. I will see the sun shine. RPVL et leur version de The Embryo, en fait, c'est presque juste eux autres qui ont une version. Même Pink Floyd l'ont même pas publié autrement que sur une compilation, puis c'est dans une version courte. Ben c'est leur style, hein? C'est RPVL, ils se sont vraiment approprié le répertoire de Pink Floyd. Et The Man and the Journey, je pense, a été un moment historique pour ceux qui étaient là. En fait, c'est presque la fin pour nous. Restez là pour l'autoroute avec Vincent. Il y a beaucoup de disques, je pense qu'il va avoir une bonne émission. Et merci à France. Salut Jean-François, salut Bruno. Merci Bruno et merci d'avoir été là. Ça a été un plaisir de partager cette musique avec vous. Donc on termine sur le même disque, RPVL Play Pink Floyd, et c'est la pièce Green is the Color, une pièce qui a été interprétée dans le cadre de The Man and the Journey par RPVL au Festival Terre Incognita. Bonne semaine à tous. Is the light that shines through the dress that you wore? She lay in the shadow of the wave. Hazy were the visions of her pain. Sunlight on her eyes, but moonshine beat her blind every time. Yes, green is the color of her kind. Quickness of the eye deceives the mind. Many is the bond between the down. Téléchargez ou réécoutez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous au podcast de l'émission sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Sous le soleil de San Roque Acapulco, venez assouvir votre soif de plaisir entre une cinq rivières et deux pas de danse.